Alléluia. Listen to this. Écoutez ceci. When John received the revelation of this Mount of Olives prophecy. Quand Jean a reçu la révélation de cette prophétie du Mont des Oliviers, il l'a traduite into the vision the Lord showed me. Dans la vision que le Seigneur m'a montrée. It translated into the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Il l'a traduite dans la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques. And I want to summarize for you a little bit. Et j'aimerais résumer pour vous un petit peu the Bible, the book of Revelation. De la Bible, le livre de l'Apocalypse. And John recorded it in the book of Revelation. Et Jean l'a reporté dans le livre de l'Apocalypse. When he received the transcript, quand il a reçu le transcript of the translation, he recorded it in the book of Revelation. Ou la traduction, il l'a enregistré dans le livre de l'Apocalypse. We are targeting Revelation chapter 6. Nous ciblons l'Apocalypse chapitre 6. That is where you will see exactly the demarcations of the timeline. C'est là que vous allez voir exactement la démarcation du calendrier de sa venue. And you will know exactly how close or how far, I don't know. Et vous allez savoir exactement combien proche ou bien combien éloigné. We will see. Nous allons voir. But the book of Revelation, chapters 1, 2, and 3. Mais le livre de l'Apocalypse, les chapitres 1, 2 et 3. I'm just passing by. I don't want to go to 6. Je veux juste passer par là. Je ne vais pas aller jusqu'à 6. I want to walk you through it a bit. Je vais vous amener un peu par là. Also to open your eyes to enter you into the book of Revelation. Aussi pour ouvrir vos yeux, pour vous introduire au livre de l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Revelation chapters 1, 2 and 3. Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. You find him mentioning things like, hey, remember you are fallen from your first love. Vous le trouvez mentionnant des choses comme, hey, souvenez-vous, vous êtes tombé de votre premier amour. He says, do the things you used to have first. Fais de nouveau les œuvres que tu faisais premièrement. He says things like, you are lukewarm, you are confusing to me. Il dit des choses comme, tu es tiède, tu me rends confus. I will spit you, you are neither cold nor hot. Je te vomirai, tu n'es ni chaud ni froid. He says things like, those who will not have soiled their clothes. Il dit des choses comme, ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils veulent marcher avec l'agneau et on leur donnera un nom. Tout ça. Revelation chapters 1, 2, 3. Apocalypse chapitre 1, 2, 3. You see the Holy Spirit preparing the church. Vous voyez le Saint-Esprit préparant l'Église for the coming of the Lord. Pour la venue du Seigneur. He talks repentance. Il parle à propos de repentance. Repentance. Repentance. Return. Return, please. Retourne. Retourne, s'il te plaît. Please return to where you started. S'il te plaît, reviens là où tu as commencé. And save the little of that which you received. Et sauve le peu de ce que tu as reçu. So that before it dies, fais-le avant que ça meure. It talks repentance. Il parle à propos de repentance. Revelation chapter 4. Apocalypse chapitre 4. He introduces the throne of God. Il introduit le trône de Dieu. The Bible says you have to be a mature bride to see Christ, right? La Bible dit, vous devez être une épouse mature pour voir Christ. Is that what the Bible says? C'est ce que la Bible dit. That you have to be mature, right? Que tu as à être mature, juste? Yes, but the bride has to be a mature bride. Oui, l'épouse doit être une épouse mature. Not a baby bride, right? Non pas une épouse bébé. Yes, then you need this food. Yes, ensuite, vous avez besoin de cette nourriture. And you see, I have totally misinterpreted it. Et vous voyez, je l'ai complètement désintégrer. I am made it digestible, very simple, simplified it. Je l'ai fait digestible, je l'ai simplifié. You need this food to enter into the kingdom of God. Vous avez besoin de cette nourriture pour entrer dans le royaume de Dieu. That's why I shared you a deep vision before the throne, a creature came out. C'est pourquoi j'ai partagé avec vous une vision profonde. Devant le trône, une créature est sortie. And that morning, I remember I called for a majesty meeting for all the team, the crew that walk around me. Et ce matin, je me souviens, j'ai appelé pour un rassemblement urgent pour tous les gens qui travaillaient autour de moi. And I told them, don't go to offices, they shut down business, they came. Je leur ai dit, n'allez pas au bureau, ils ont fermé mais leurs affaires et ils sont venus. Ils ont suspendu leur rassemblement et ils sont venus. And I told them, I have seen, it is he. Et je leur ai dit, je l'ai vu, c'est lui. I have seen, it is he. Je l'ai vu, c'est lui. This night I saw. Cette nuit, j'ai vu. He's more serious, the face like this. Il est plus sérieux, sa face est comme ceci. So they wonder, who has he seen? Alors ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a vu? Because I could not believe more. Parce que je ne pouvais pas leur donner plus. They said, who has he seen this night? Ils ont dit, qui a-t-il vu cette nuit? They wondered, who has he seen? Ils se demandaient, qui a-t-il vu? The Lord wanted me to see the face and identify the number of the creature. Le Seigneur désirait que je voie sa face et je pouvais lui donner un numéro à cette créature. And know the time. Et savoir le moment. But anyhow, mais qu'importe, you need this food to grow up. Vous avez besoin que cette nourriture croisse. So you can be mature. Alors vous pouvez être mature. This is not milk with cereal anymore for babies. Ceci n'est pas du lait avec des céréales. Ça, c'est pour les bébés. That's what I'm giving right here. Ça, c'est ce que je suis en train de donner juste maintenant. For mature people, that the church may have strength and be mature. Pour des gens matures, pour que l'Église ait de la force et soit mature. And prepare when the devil comes, she can even resist and he flees away. Se prépare quand le diable vient, elle peut lui résister et il s'enfuit au loin. I have come here on a serious business. Je suis venu là pour de sérieuses affaires. To give mature food to the church. Pour donner de la nourriture mature à l'Église. To the precious bride, the royal bride of Christ. Pour l'épouse précieuse, pour l'épouse royale de Christ. That she may be mature, she may be found mature. Pour qu'elle puisse être mature, pour qu'elle puisse être trouvée mature. When that day arrives. Quand ce jour arrive. So, alors, again, encore, Revelation chapter 4 discusses the throne of God. Apocalypse chapitre 4 discute à propos du trône de Dieu. But when he discusses the throne, he presents four living creatures. Mais quand il discute à propos du trône, il présente quatre créatures vivantes. Are we together? Sommes-nous ensemble? He discusses the four living creatures. Il discute les quatre créatures vivantes. He says the following. Il dit ce qui suit. Example, 4, verse 6b. Par exemple, chapitre 4, verset 6b. It says, in the center, around the throne, au milieu, autour du trône, there are four living creatures, il y avait quatre êtres vivants and they were covered right in front and in back. Remplis Dieu devant et derrière. Le verset 7 dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le second comme un veau, le troisième comme un homme, le quatrième comme un aigle. Maintenant vous pouvez comprendre, ce matin du 20 août, quand j'ai appelé l'équipe, leur disant, dans la vision, c'est lui. Je l'ai vu. J'ai vu le visage. Il est plus sérieux. Ils se sont demandé, qui est-ce que cet homme a vu? Now you can understand why the Lord brought the creature close. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Seigneur a amené cette créature proche pour que je puisse l'identifier. Il a le visage comme un homme. And you see in the internet I describe the frowning of the face. Sur Internet, j'ai décrit le froncement de sa face. The line. Les lignes. You understand? Vous comprenez? The lines. Les lignes. The four living creatures. Les quatre créatures vivantes. But it's amazing when you move on. Mais c'est étonnant quand vous allez plus loin. He says that he never sees to glorify Jehovah. Il dit, il ne cesse pas de glorifier Jéhovah. Number five. Numéro 5. Revelation chapter 5, we are targeting chapter 6, that's why I am running. Apocalypse chapitre 5, nous ciblons chapitre 6, c'est pourquoi nous courons. Revelation chapter 5. Apocalypse chapitre 5. He introduces a scroll. Il introduit un rouleau. He says, il dit, God the Father has a scroll on his right hand side. Dieu le Père a son rouleau à son côté droite. And he passes it on. Et il le passe. But the following happens, precious people. Mais ce qui suit est arrivé, précieux peuple. In chapter 5, you also see a tremendous distress. Au chapitre 5, vous voyez aussi une très grande détresse. You see a tremendous distress. Vous voyez une détresse très grande. Setting in heaven, inside heaven. Pensons à l'intérieur des cieux. A big distress. Une grande détresse. Which means big anxious. Ça signifie une grande anxiété. A big anxiety. Une grande inquiétude. Sets in heaven. Why? C'est avancé aux cieux. Pourquoi? Because when God Almighty, parce que quand le Dieu Tout-Puissant has a scroll, the scroll of God in heaven, a un rouleau, le rouleau de Dieu dans les cieux, it has seals. Il a des sceaux. There are seven seals. Il y a sept sceaux. Somebody listen to this message, you will not find it anywhere else, please. Ceux qui écoutent ce message, vous n'allez pas le trouver nulle part ailleurs. If I don't give it, I will offend the Lord. Si je ne le donne pas, je vais décevoir Dieu, le Seigneur. It's not complete. Ça n'est pas complet. So pay attention to this very serious, the pastor, especially. Alors, soyez attentifs, c'est très sérieux, spécialement les pasteurs. That's why you can teach it to them. Et alors vous pouvez l'enseigner, le leur enseigner. The scroll of God, le rouleau de Dieu, has seals. A des sceaux. It has seven seals. Il a sept sceaux. And in Revelation chapter 5, et dans l'Apocalypse chapitre 5, you hear a crisis developing in heaven. Vous entendez une crise qui se développe dans les cieux. And they say, hey, who is going to break the seals? Alors ils disent, hey, qui va briser les sceaux? And open the scroll of God. Et ouvrir ce rouleau de Dieu. And when a crisis develops in heaven, et quand la crise se développe dans les cieux, on really trying to break the seals, pour savoir qui va briser les sceaux and open the scroll, et ouvrir le rouleau, they want to weep, they want to begin weeping. Ils ont envie de pleurer. Ils ont envie de commencer à pleurer. And say, hey, don't weep. Et il dit, hey, ne pleurez pas. Why do they want to weep? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de pleurer? They want to weep because ils ont envie de pleurer parce que they searched above the heavens. Ils cherchent dans le ciel. They found nobody worthy to break the seals. Ils ne trouvent personne qui est digne de briser les sceaux. They searched inside heaven. Ils cherchent à l'intérieur des cieux. Nobody was worthy. Personne n'était digne. They searched under heaven. Ils ont cherché sous le ciel. On the earth. Sur la terre. Under the earth. Sous la terre. Under the ocean. Sous l'océan. No one was found. Personne n'a été trouvé. And then they said, hey, don't weep. Et ensuite ils ont dit, hey, ne pleurez pas. For the lion of the tribe of Judah. Parce que le lion de la tribu de Judas, he has thrown out. il a triomphé. The root of David. La racine de David. He has triumphed on the cross. Il a triomphé à la croix. And because of that, he is now worthy. Et à cause de cela, maintenant, il est digne. Look at the seals and open the scroll. De briser les sceaux et d'ouvrir le rouleau. Est-ce que vous commencez à comprendre le contenu, le texte, la littérature à l'intérieur du rouleau? Vous pouvez dire tout droit ce qui est écrit à l'intérieur du rouleau. Les pasteurs, s'il vous plaît. Right now, you can clearly begin to envisage. Juste maintenant, vous pouvez clairement commencer à envisager what is written inside the scroll. Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur du rouleau. If only the lion of the tribe of Judah. Si seulement le lion de la tribu de Judas, the root of David. La postérité de David. Because of his triumph on the cross. À cause de son triomphe sur la croix. Il est capable de briser les sceaux et d'ouvrir le rouleau. Ça vous dit qu'à l'intérieur du rouleau de Dieu dans les cieux, ça doit être écrit, texte. Un texte à propos de la rédemption de l'humanité. Est-ce que vous ne m'entendez pas? About the salvation of man. À propos du salut de l'homme. You do not hear me. Est-ce que vous ne m'entendez pas? About the entry of the church. À propos de l'entrée de l'église. About the church's entry to heaven. À propos de l'entrée des églises dans les cieux. That is the triumph Jesus had. Mais dans le triomphe que Jésus a eu. And then you also see chapter 5. Et ensuite, vous voyez aussi le chapitre 5. The 24 elders and they bow down and they lay their crowns before the Lord as they worship. Les 24 vieillards, ils se prosternent et ils laissent leur couronne devant le Seigneur comme ils adorent. And I would have wanted to ask, have you laid down your crowns as you worship Jehovah? Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez déposé vos couronnes quand vous adorez Jéhovah? Have you laid down your crowns as you worship Jehovah? Est-ce que vous avez déposé vos couronnes quand vous adorez Jéhovah? I see the church is worshiping with her crowns. J'ai vu que les églises adorent avec leurs couronnes. And some of the crowns were given by the devil. Et certaines de ces couronnes ont été données par le diable. But anyhow, mais qu'importe. Revelation chapter 6 is my target. That's where I am. Apocalypse chapitre 6, c'est ma cible, c'est là où je suis. What does he say in chapter 6? Qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 6? Revelation chapter 6, he introduces the seals of the scroll. Apocalypse chapitre 6, il introduit les sceaux du rouleau. Precious people. Précieux peuple. The seals of the scroll of God. Les sceaux du rouleau de Dieu, ils dénotent essentiellement, ils démarquent, ils divisent, ils coïncident, ils désignent le réel calendrier prophétique de Dieu. Vers la venue du Messie. And I want to announce this to you. Et je désire vous annoncer that only the first four seals que seuls les quatre premiers sceaux are most critical to you as a church. Sont le plus critique pour vous en tant qu'église. For you to enter when the Messiah comes. Pour vous d'entrer quand le Messie vient. Listen, everybody, focus on this now. Écoutez chacun, concentrez-vous sur ceci maintenant. Before the release of the first horse, avant le relâchement du premier cheval, the Lord sent me a lot of the group talk about it. Le Seigneur m'a envoyé tout autour du globe pour parler à propos de ceci. Avant le relâchement du second, je suis allé tout autour du globe. Et la lune est devenue du sang, et toute chose que j'ai décrite, je décris ceci un peu. I began from the third one. J'ai commencé depuis le troisième. And I described you et je vous ai décrit le relâchement du cheval noir, la prophétie que j'ai donnée, et ensuite, maintenant, ce que vous voyez. Aujourd'hui, today it is news, breaking news on your TVs today. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles, les dernières nouvelles, de dernière heure, sur vos télévisions aujourd'hui. They occupy Wall Street. Ils protestent à Wall Street. Occupy Europe. Protestent en Europe. Occupy who? Occupy, occupy, occupy. Ils protestent où? Protestez, protestez, protestez. Global economic crisis is on. La crise économique globale est en route. I want to keep the fourth one. Je veux donner le quatrième. And then now walk with you. Et maintenant, marcher avec vous. Towards the breaking of each seal. Vers le brisement de chaque sceau. I was traveling to Venezuela. Je voyageais au Venezuela. And when I was traveling for the big revival there, et quand je voyageais pour le grand réveil là-bas, I reached South Africa and I found out, je suis arrivé en Afrique du Sud et j'ai trouvé que j'ai besoin d'attendre 24 heures pour avoir le vol. And because et parce que we did not have much money to go to airport hotel, nous n'avions pas assez d'argent pour aller à l'hôtel de l'aéroport, I only thank God that we have a flight ticket. J'ai seulement remercié Dieu d'avoir un ticket de vol. Parce que j'aurais pu être sur le bateau pour 6 mois ou 1 an. I said, j'ai dit, Jehovah, he has sent me. Jéhovah m'a envoyé and also given me a flight ticket. Et il m'a aussi donné un billet d'avion. That is enough. C'est assez. And I asked, et j'ai demandé the people of South Africa, aux gens d'Afrique du Sud, on the floor, is it free? Est-ce que par terre c'est libre? They said, that one is free. Ils ont dit, ça c'est libre. Then immediately, I put my bag. Et immédiatement j'ai mis mon sac. I said, I'm waiting for 24 hours. J'ai dit, j'attends pour 24 heures. I bought half liter coke. J'ai acheté un demi-litre de coke. And peanuts, we're going to a healing service aside. Et des cacahuètes, nous allons avoir un service de guérison de ce côté. And we began celebrating this God is good. Et nous avons commencé à célébrer ce Dieu qui est bon. He sends you and gives you flight ticket. Il t'envoie et te donne un ticket d'avion. And he gives you coke, half liter cold. Et t'a donné un coke, la moitié d'un litre, froid. And he gives you peanut also. Et il te donne des cacahuètes aussi. Bonus, bonus, bonus. Bonus, bonus, bonus. And they're announcing, et ils annonçaient in the airport, à l'aéroport, that you are going to lose your bag, que vous allez perdre votre sac. I said, not mine. J'ai dit, pas le mien. I know, because if it's a pillow, I put my hand. Je sais, parce que c'est un oreiller et je mets ma main. You know, the handle. Vous savez, la poignée. So you have to cut my arm. Alors, vous avez à couper mon bras. And I said, nobody wants that much blood in the airport. Et j'ai dit, personne ne veut tellement de sang à l'aéroport. So they will not cut. Alors, ils ne vont pas me couper mon bras. They keep announcing, it's very noisy at the airport. Ils continuent d'annoncer. C'était très bruyant à l'aéroport. People are walking. Les gens marchaient. But down there, mais juste là, on the floor, sur le sol, in Johannesburg, when I slept, à Johannesburg, quand je dormais, I saw the vision of God. J'ai vu la vision de Dieu. I wonder if I was in Intercontinental Hilton Presidential Suite. Je me demande si j'avais été à l'hôtel Continental, à l'hôtel Hilton ou à l'hôtel présidentiel, dans une suite présidentielle. Would I have seen that vision? I don't know. Me, I don't know. Est-ce que j'aurais vu cette vision? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu? Dans cette vision, la voix a dit, Look and see who is coming. Regarde et vois qui vient. And in the vision, when I look on my left, et dans cette vision, quand j'ai regardé à ma gauche, I saw the mighty pale horse. J'ai vu le puissant cheval verdâtre coming with the rider, venant avec le cavalier. And behind him, there was darkness. Et derrière lui, il y avait des ténèbres coming with him. Venant avec lui. And then, the second part of the vision, et ensuite, la seconde partie de la vision. C'est le premier jour que j'ai vu l'Église à l'intérieur des cieux, adorant devant le trône. Laissez-moi décrire ceci pour vous. Écoutez, je ne savais pas que actuellement il y a un corps glorieux et la robe glorieuse. Deux choses. J'avais l'habitude de croire que le corps glorieux, c'était la robe. Il y a un corps glorieux et aussi une robe glorieuse. La robe s'étend en bas et s'élargit un petit peu, comme ceci. Un petit peu. Et ils étaient en train d'adorer. C'était l'adoration la plus belle et la plus haute que j'ai jamais vue. Ils étaient devant le trône et ils allaient dans la même direction, tous. Comme ceci. Et depuis là où le Seigneur m'a regardé, quand je les regardais, allant dans cette direction, leur robe glorieuse, elles étaient comme des flashs de caméra dans mes yeux. Émettant de la gloire comme 1000 caméras pourraient le faire. Leur robe glorieuse émettait de la gloire. Et ensuite, j'ai commencé à prophétiser la venue du cheval verdâtre. Laissez-moi m'arrêter là. Écoutez-moi. Qu'est-ce que cela nous dit? Le calendrier pour la venue du Messie. Allons maintenant au brisement des sceaux. C'est le message pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6. C'est critique. J'ai besoin de laver mes mains quand j'ai fini ce message. Apocalypse chapitre 6 verset 1, il dit: je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Laissez-moi m'arrêter là et expliquer ceci. Écoutez ceci. Quand j'ai donné la vision des deux anneaux de noces ici, je vous ai dit que la voix a dit, regarde et vois qui est assis sur le cheval blanc. Et j'ai décrit le grand et puissant cheval blanc. with the glory of God, and he was behaving as if he might be released any time. Avec la gloire de Dieu, et il attendait comme si il était prêt à être relâché à tout moment. Indeed, when I discussed the wedding of the Lamb, en vérité, quand j'ai décrit les noces de l'agneau, I read Revelation chapter 19, verse 6 to verse 9. J'ai lu Apocalypse chapitre 19, les versets 6 au verset 9. Celebrating the wedding of the Lamb, célébrant les noces de l'agneau, talk of the fine garment that you need to prepare now. Parlons du fin vêtement que vous avez besoin de préparer maintenant. But what I did not read, mais ce que je n'ai pas lu, is Revelation 19 from verse 11 downwards. C'est Apocalypse 19 depuis le verset 11 et suivant. Où il décrit le cheval blanc que j'ai vu ce jour. But now, mais maintenant, he's describing another white horse. Il est en train de décrire un autre cheval blanc. So who is this white horse? Alors, qui est ce cheval blanc? He says, il dit, let me read it quickly. Revelation 19, verse 11. Laissez-moi lire l'Apocalypse 19, les versets 11 et suivants. Revelation 19, verse 11, and I say, Apocalypse 19, versets 11 et suivants, comme j'ai dit, catch me there, I'm reading. Prenez-moi là, je lis. Revelation 19, 11, on, he says, Révélation 19, 11 et suivant, il dit, I saw heaven standing open, j'ai vu le ciel ouvert, and there before me was a white horse, et voici paru un cheval blanc. Whose rider is called faithful and true. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. And then he says, with justice he judges and makes war. Et ensuite il dit, avec justice, il juge et combat. His eyes are like blazing fire. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. And on his head are many crowns. Et sur sa tête étaient plusieurs couronnes. He has a name written on him that no one knows but he himself. Il a un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. He is dressed in a robe. Et il est revêtu d'un vêtement. Il est vêtu d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Vous entendez ceci? Et il dit, les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Qui sont ceux? You almost figure out, right? Vous l'imaginez presque. Yeah, because I came here discussing the wedding rings. Parce que je suis venu ici parlant des anneaux de noces. Telling you to prepare the fine linen, bright and clean. Vous disant de préparer le fin lin brillant et pur. The righteousness of the church. La justice de l'Église. But now, you see that. Mais maintenant, vous voyez que some people again are riding following the white horse. Quelques personnes, de nouveau, sont sur leurs chevaux, suivant le cheval blanc. And then he says, fine linen, bright and clean. Et ensuite, il dit, du fin lin, brillant et pur. Out of his mouth comes a sharp sword. De sa bouche sort une épée aiguë. With which he strikes down the nations. Pour frapper les nations. He will rule them with an iron scepter. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse, il a son nom écrit, King of Kings and Lord of Lords. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. So do you understand me? Alors vous me comprenez? So here, alors ici, he is describing, il décrit the rider of the white horse, le cavalier du cheval blanc. But when the first of the seven seals, mais quand le premier des sept sceaux of the scroll of God are broken, du rouleau de Dieu est brisé, there is another white horse I see. Il y a un autre cheval blanc que je vois. Who Qui est-il? Focus now, very fast. Concentrez-vous maintenant, très rapidement. Quand un des sept sceaux est brisé, regardez. You have a white horse. Vous avez un cheval blanc. You have a rider. Vous avez le cavalier. And he has a crown. Et il a une couronne. And he comes out to conquer. Et il vient pour conquérir. And yet, in 19, you see. Et maintenant, au 19, vous voyez another white horse. Un autre cheval blanc. A rider. Un cavalier. Crown coming to conquer. Couronné, venant pour conquérir. Who is who? Qui est-il? Will the church identify this horseman properly? That is key right now. Quand l'Église identifie ce cheval blanc proprement, ça c'est la clé, juste maintenant. But the problem is this. Mais le problème est ceci. The church. L'Église. The church of Christ. L'Église de Christ. Has failed to recognize this horseman here. A manqué de reconnaître ce cavalier ici. That comes from the horseman of the apocalypse and rebuke him. Ça vient, il s'agit du cavalier de l'Apocalypse et rejette-le. Ask him, why are you trying to look like the other one? Demandez-lui, pourquoi est-ce que vous essayez de ressembler à l'autre? Ask him, if you are the Messiah, where are your many crowns? Demandez-lui, si vous êtes le Messie, où sont tes nombreuses couronnes? Why one crown? Pourquoi une couronne? Ask him, demandez-lui, if you are the Messiah, where is your sword? Si tu es le Messie, où est ton épée? Why the bolt? If I hear bow, I know you have some arrows here. Pourquoi l'arc? Si j'entends arc, je sais qu'il y a aussi des flèches ici. Yes, arrows normally here. Il a des flèches normalement ici. Because he just did this. He wants to look like the Messiah. Il tire des flèches. Tchou, tchou, tchou. Il désire ressembler au Messie. White horse, white horse. Cheval blanc, cheval blanc. Crown, crown. Couronne, couronne. Coming to conquer, coming to conquer. Venant pour vaincre, venant pour vaincre. And he says, et il dit, he is bent on conquest. Il part en vainqueur. What is the meaning of bent on conquest? Ça, c'est la signification de partir en vainqueur. Meaning, signifiant, he is coming, this one of the apocalypse. Il vient, celui-là de l'Apocalypse. He is coming, il vient. But he is not ready to accept anything except victory. Mais il n'est pas prêt à recevoir quoi que ce soit d'autre que la victoire. And Jesus said, et Jésus a dit. And every stone shall be rolled. Et Jésus a dit que chaque pierre doit être retournée. This horseman here, ce cavalier ici. Is the one who has lied to the church. C'est celui qui a menti à l'Église. Listen to me. Écoutez-moi. This one here, celui-là, ici. He brings deception, falsehood to the church. Il apporte le mensonge à l'Église. Now you can see the first warning Jesus gave. Maintenant, vous voyez le premier avertissement que le Seigneur donne. Deception, deception, deception. La tromperie, la tromperie, la tromperie. He wants to look like counterfeit. Il désire paraître comme, il contrefait. He comes with one crown. Il vient avec une couronne. We should have asked him, why not many crowns? Nous devrions lui demander, pourquoi pas beaucoup de couronnes? Our Messiah has many crowns. Notre Messie a beaucoup de couronnes. He's the King of glory. Il est le roi de gloire. The King of righteousness. Le roi de justice, King of Salem, le roi de Salem, the Redeemer, le rédempteur, the Savior, Adonai, le sauveur, Adonai, Counselor, he's everything, he has many crowns. Conseiller, il est tout, il a beaucoup de couronnes. Why is it that you are coming with one crown? Comment ça se fait que tu viens avec une couronne? And you want to conquer us. Et tu désires nous conquérir. I prophesied him. Je l'ai prophétisé. When the Lord showed him to me. Quand le Seigneur me l'a montré. And I knew what was coming to do to the church. Et je savais ce qu'il venait faire à l'église. He brings the false Christianity to the church. Il apporte le faux christianisme à l'église. Look at how dangerous he is. Regardez combien il est dangereux. He brings il apporte a Christianity le christianisme that lacks holiness. Qui manque de sainteté. To make sure you don't enter anyway. Pour être sûr que vous n'entriez pas. And remember, God sent you. Et souvenez-vous, Dieu l'a envoyé. Plus tard, je vais vous dire pourquoi Dieu envoie tellement de mauvaises personnes dans l'église. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? But he sent Jeremiah to warn the house on Mount Moriah. Mais il a envoyé Jérémie pour avertir la maison au mont Morija. And he said, if they refuse, et il a dit, si il refuse, then he said, I raise my servant Nebuchadnezzar. Alors il a dit, je vais élever mon serviteur Nebuchadnezzar. He now raised the enemy to attack the house. Maintenant, il élève l'ennemi pour attaquer la maison. Please, be careful, the God you serve. S'il vous plaît, attention à ce que le Dieu que vous servez, you want deception, I give you more. Vous désirez de la déception, de la tromperie, je vous en donne encore plus. And Nebuchadnezzar attacked. Et quand Nebuchadnezzar a attaqué, and Nebuchadnezzar was walking in Ramah. Et Nebuzaradan marchait à Ramah. You know Rachel went in Ramah, right? Vous savez que Rachel a pleuré à Ramah. Nebuzaradan, the commander of Babylonian army, was walking in Ramah. Nebuzaradan, le commandant de l'armée de Babylone, était en train de marcher à Ramah to check the slaves that had been tied on a chain. Pour observer les esclaves qui avaient été attachés à une chaîne, checking how fit, whether they can manage the journey to Babylon. Observant dans quel état ils étaient pour savoir s'ils étaient capables de aller jusqu'à Babylone. Et Nebuzaradan met Jeremiah there. Nebuzaradan a rencontré Jérémie là. And he said, hey, Jeremiah, are you not the one who warned these people? Et il a dit, hey, Jérémie, n'es-tu pas celui qui avait l'habitude d'avertir ces gens? And then he told the Israelites, so you are the people who have disobeyed the Lord, huh? Et ensuite il a dit aux Israélites, alors vous êtes le peuple qui a désobéi au Seigneur, hein? Now, Nebuzaradan, maintenant, Nebuzaradan, the enemy, you hear God's word from the enemy now. L'ennemi que vous entendez, la parole de Dieu de la part de l'ennemi maintenant. And he released Jeremiah, et il relâche Jérémie, told him, go to some sort of government and you'll eat some little food there. Lui disant, va vers le gouverneur et tu vas manger quelque nourriture là. And then they took the other. Et ensuite, ils prennent les autres. Be careful. Attention. When the lamb opens the second seal, quand l'agneau a ouvert le second sceau, Revelation chapter 6, Apocalypse chapitre 6, when the lamb opened the second seal, quand l'agneau a ouvert le second sceau, I heard the second living creature say, come. J'entendis le second être vivant disant, viens. Then another horse came out. Et un autre cheval sortit. A fiery red one. Un cheval roux. Then another horse came out, a fiery red one. This rider was given power to take all things from the earth. Et un autre cheval sortit, celui qui le montait reçut le pouvoir. Reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. A red horse, red. Un cheval rouge, rouge. Meaning bloodshed. Signifiant l'effusion de sang. Excuse me. Excusez-moi. What was the second prophecy Jesus gave when Jesus was sitting on the rock? C'était la seconde prophétie que Jésus a donnée quand Jésus était assis sur le rocher. He said, il dit, there will be wars and rumors of wars, bloodshed. Il va y avoir des guerres et des rumeurs de guerre, des effusions de sang. When the translation of the prophecy comes, quand la traduction de la prophétie est venue, We now see the breaking of the second seal. Vous voyez maintenant du brisement du second sceau and the release of the red horse. Et du relâchement du cheval rouge, meaning bloodshed, red, bloodshed. Signifiant l'effusion de sang, rouge, l'effusion de sang. The third one that I began with. Le troisième avec lequel je vais commencer, verse 5, Revelation 6. Le verset 5 de Révélation 6. When the Lamb opened the third seal, I had the third living creature say, come. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. I looked and there before me was a black horse. Je regardais et voici parut un cheval noir devant moi. His rider was holding a pair of scales in his hands. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Then I heard what sounded like a voice from among the four living creatures say. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour le salaire d'un jour et trois mesures d'orge pour le salaire d'un jour. Et il dit, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Et le premier sceau est brisé. Et le rouleau de Dieu aux cieux par l'agneau de Dieu. Release of the white horseman. Le relâchement du cavalier blanc. And I say his name is deception. Et j'ai dit, son nom est tromperie. He deceives the church. Il trompe l'Église. He is the reason today you have false prophecy in the church. C'est la raison aujourd'hui pour laquelle vous avez des faux prophètes dans l'Église. C'est la raison pour laquelle vous avez de faux apôtres dans l'Église. When the second seal is broken, quand le second sceau est brisé, the red horse is released, le cheval roux est relâché, bloodshed. Il y a des effusions de sang. The war in Iraq, the war in Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, La guerre où? La guerre. Drug war in Mexico. I went warn them before the bloodshed. De la drogue au Mexique, je suis allé les avertir avant les effusions de sang. In Mexico. Au Mexique. The war in Somalia. War. La guerre en Somalie. And then rumors of war. Et ensuite des rumeurs de guerre. War and terrorism. Des guerres et du terrorisme. Everybody's fearing they're going to be attacked. Tout le monde a peur d'être attaqué. When the second seal is broken. Mais quand le second sceau est brisé, when the third seal is broken. Quand le troisième sceau est brisé, then you see the black horse I described. Alors vous voyez le cheval noir que j'ai décrit. And then what you see? Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez? I get the prophecy of global economic crisis. J'ai donné la prophétie de la crise économique globale et les famines. But now you understand where I got it from. Maintenant, vous comprenez pourquoi je l'ai eu. Because he says when the third seal is broken, parce qu'il dit, quand le troisième sceau est brisé, then the third horse is released, the black one. Ensuite, le troisième cheval est relâché, le cheval noir. And look at this. Écoutez ceci. And he says, et il dit, he's given power, il lui a été donné le pouvoir to increase the price of food. De faire monter le prix de la nourriture. One quart of wheat for day's wage. Une mesure de farine pour le salaire d'un jour. One quart of wheat is just enough wheat for one person to eat for one day. Une mesure de farine est assez pour une personne pour manger une journée. And yet you work for your family. Et là, vous travaillez pour votre famille. The whole household. Pour toute la maisonnée. That means famine. Ça signifie la famine. You understand where it came from? Vous comprenez d'où ça vient? How I knew it was famine. Comment est-ce que je savais que c'était la famine? And then, et ensuite, the rider is holding a pair of scales. Le cavalier tient une balance à deux plateaux. A balance. Une balance. The rider is holding a balance. Le cavalier tient une balance. He's holding a balance. Look. Il tiens une balance, regardez. A pair of scales, meaning, deux plateaux, ce qui signifie I give you money, je vous donne de l'argent equivalent to two stones. À l'équivalent de deux pierres. You put for me two stones here. Vous mettez deux pierres là. And then you start now to cut for me meat. Et ensuite vous mettez là de la viande. Bit by bit. Petit à petit. Because I gave you money for the two stones, 2 kilograms. Parce que je vous ai donné de l'argent pour les deux pierres, 2 kilos. And now you cut, you put, you put. Et maintenant vous coupez, vous mettez, vous mettez. You know, at times they put a bigger piece, it goes down. Vous savez, parfois ils mettent une pièce plus grosse et ça descend. And then your heart sinks. Et ensuite votre cœur sombre. And then he says, no, I'm affected by. Et ensuite il dit, non, non, je dois rapporter ceci. I'm affected by. He says, no, please, please. Je dois le rapporter. Et vous dites, non, non, s'il vous plaît. And then he removes it, he cuts it off, throws, it's not yet, another small piece, put until it does this. Et ensuite, il enlève ceci et il le coupe. C'est pas encore ça. Alors, il remet une petite pièce et voilà, c'est en équilibre. A balance. Une balance. Sugar also, they do that. Avec le sucre aussi, on fait ceci. Meaning trade. Signifiant le commerce. Buying and selling. Acheter et vendre. Trade, meaning commerce. Commerce, qui signifie affaire. That's how I knew global economic crisis. C'est comme ça que je sais que c'est la crise économique globale. Global selling. La vente globale. Global buying. L'achat global. Global selling and buying. Les achats et les ventes globales. Global commerce. Le commerce global. That's why I could come out. C'est pourquoi je devrais sortir. Before 2.5 million people. Devant 2,5 millions de gens. And say global economic crisis is coming. Et leur dire la crise économique globale vient. Before they ever saw it. Avant qu'ils l'aient vu. Sir, I got it from there. C'est là, je l'ai de là. I said every vision must line up with scripture. J'ai dit que chaque vision doit s'aligner à l'écriture. Famine, I said it. Des famines, je l'ai dit. But now, mais maintenant, when the lamb opens the fourth seal, quand l'agneau ouvre le quatrième seau, lying on the floor in South Africa, étant couché au sol en Afrique du Sud, going all over the world to prophesy, allant tout autour du monde pour prophétiser, when the lamb opens the fourth seal, quand l'agneau a ouvert le quatrième seau, now you know where the church is sitting. Maintenant, vous allez savoir où l'église est assise. When the lamb opened the fourth seal, quand l'agneau a ouvert le quatrième seau, I heard the voice of the living creatures say, come. J'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. I looked there before me with a pale horse. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. His rider was called death. Celui que le montait se nommait la mort. And Hades was following him close by, behind him. Et le séjour des morts l'accompagnait. Il était près de lui. They were given power over half of the earth. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. And to kill by the sword and famine and plague and the diseases and wild beasts. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Alléluia. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. When the lamb opens the fourth seal. Quand l'agneau a ouvert le quatrième seau, then the fourth creature that I saw, lors la quatrième créature que j'ai vue, on the floor of South Africa, sur le sol, en Afrique du Sud, went all over the globe, Australia, wherever, prophesying, allant tout autour du globe, en Australie et partout, prophétisant, il est relâché. His name is dead. Son nom est mort. In that magazine, I tried to describe a lot of things about the features. Et dans ce magazine, j'ai essayé de décrire beaucoup de figures. When he came near me and I looked at the horseman, quand il est venu près de moi et que j'ai regardé le cavalier, and the Lord allowed me to touch the face of the horse, whatever the details there. Quand le Seigneur m'a permis de toucher la face du cheval, and I said, death is coming to the earth. Et j'ai dit, la mort vient sur la terre. Death. la mort. And the darkness that I saw behind him. Et les ténèbres que j'ai vues derrière lui. Now I understand that is hate, hell following him. Alors maintenant je comprends, c'est l'enfer qui est en train de le suivre. It's amazing. C'est étonnant. Because I wanted to go to CNN. Parce que je désirais aller à CNN, and BBC, à la BBC, and Al Jazeera. Et Al Jazeera. I wanted to go to them and ask them, can you give me only 3 minutes, not more? Je désirais aller à eux et leur dire, pouvez-vous me donner 3 minutes, pas plus. 3 like this, 1, 2, 3. 3 comme ça, 1, 2, 3. I want to talk to the whole earth, to the people of the earth. J'aimerais parler à la terre entière, aux gens de la terre. And tell them that I've seen the pale horse coming. Et leur dire que j'ai vu le cheval verdâtre venir. I think probably it would have been the end of my life that day, right? Et je pense probablement ça va être la fin de ma vie ce jour. They said what? Ils ont dit quoi? They said get a psychiatrist for this man. Ils ont dit prenez un psychiatre pour cet homme. I wanted to go there and tell them. Je désirais aller là et leur dire. But God helped me. Mais Dieu m'a guéri. As I prophesied it all over the globe. Comme j'ai prophétisé, je l'ai fait tout autour du globe. Then one good day, un de ces bons jours, I see a lot of global discussion they are saying. J'ai vu beaucoup de discussions globales. Ils disent, when they were shooting the events from Tahrir Square in Egypt. Quand ils étaient en train de filmer les événements au Tahrir Square, en Égypte, il y a des coups de feu, pow, pow, pow. Et tout le monde était en train de se demander quand est-ce que ça va finir. Est-ce qu'ils vont envoyer des tanks pour les écraser comme à Tiananmen Square? Tout le monde était concentré. Tout le monde a dit, hey, regardez, il y a un fantôme cavalier aux nouvelles. You don't hear me. Vous ne m'entendez pas. I love the Lord. J'aime le Seigneur. He helped me. Il m'aide. C'était dans les nouvelles sur Euro, c'était dans la BBC, MSNBC, tout le monde a vu. Un esprit étrange sur leur caméra ici. Est-ce que j'avais l'habitude de décrire tout autour du globe comme ceci? Comme ça, c'est ce qu'il fait. Et quand il est sorti. Then I started seeing a lot of dead bodies in Libya. Et j'ai commencé à voir beaucoup de corps morts en Libye. And I was saying, death is coming, death is coming. I saw in Yemen. Alors je disais, la mort vient, je l'ai vu au Yémen. I see in Syria, I see everywhere right now. Je le vois en Syrie, je le vois partout, juste maintenant. Death has now come. La mort est maintenant venue. I cannot go to BBC and say, excuse me, guys. Je ne peux pas aller à la BBC et dire, excusez-moi, les gars. Just 2 minutes, please. Juste 2 minutes, s'il te plaît. For what? Pourquoi? I want to tell the people of the earth, I have seen the pale horse come. Je désire dire aux gens de la terre que j'ai vu le cheval verdâtre venir. Je pense que ce jour, je serai dans le trouble. Very much trouble. Très troublé. But what is the message? Mais quel est le message? Number 5 has the message. Le numéro 5 a le message. When the Lamb opened the fifth seal, quand l'agneau a ouvert le cinquième sceau, I saw under the altar the souls of those who have been slain because of the word of God and the testimony they have maintained. J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu? Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Écoutez très attentivement. Écoutez ceci. Je les ai tous prophétisés, les quatre. Le plus critique pour l'Église. Bien sûr, deux jours avant que ça arrive, je jeûnais et le Seigneur m'a montré, regarde, il va être relâché. Mais quand vous jeûnez, vous éteignez la télévision et d'autres choses. Nous avons reçu des milliers de mails arrivant dans notre boîte de réception. Avez-vous vu ce que vous avez dit? L'avez-vous vu dans les nouvelles? Et c'était étonnant que le monde séculier. Le monde séculier avait des discussions à propos de Apocalypse 6. Comment est-ce que vous pouvez le savoir quand vous êtes dans le monde séculier? C'est quand j'ai compris que Dieu a maintenant réveiller les nations. Il était en train de parler à propos du cheval verdâtre, son nom est la mort, quoi que ce soit. Ça c'est beau, seul Dieu. Même moi, si je n'avais pas été né de nouveau, comment est-ce que j'aurais pu savoir? Il est dans Apocalypse chapitre 6. Écoutez-moi attentivement. Quand l'agneau de Dieu a ouvert le sixième sceau, ça c'est la réponse à cette église. Ensuite, vous allez voir les chrétiens immolés sous l'autel. Les chrétiens qui ont été décapités. Vous mettez votre tête et ils vous décapitent. Beaucoup d'entre eux sous l'autel de Dieu. Et ils pleurent, Seigneur, venge notre sang. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mis à mort? Ils ont été mis à mort à cause du témoignage de Jésus. Ils ont prêché Jésus, ils ont été tués. Écoutez-moi. Quand vous êtes là, en tant qu'Église, une fois que vous êtes là, vous avez donné votre témoignage à propos du Messie. Ça me dit, quand le cinquième sceau est brisé, vous ne pouvez même plus adorer ici. L'Église n'est pas là. Vous ne m'entendez pas. Vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est le message. Écoutez, le quatrième a été accompli. C'est pourquoi vous voyez ce qui se passe en Syrie, au Yémen. Nommez-les au bas de la ligne. C'est pourquoi maintenant vous pouvez voir armée complète. Je suis choqué. Une armée complète avec des antichars et encore en Syrie, allons dans un voisinage où les gens vivent sans armes et tuant le peuple. C'est pourquoi vous pouvez voir le nombre de gens morts, des gens qui sont tués. C'est pourquoi le monde peut maintenant témoigner le gouvernement avec des armes tuant leurs propres surveillants. Écoutez. Mais vous voyez, quand le cinquième sceau est brisé, alors chacun qui essayera de donner le témoignage de Christ, de se tenir debout pour la parole, devra être tué. Et il pleure sous l'autel. Quand le sceau suivant est brisé, il va y avoir un énorme tremblement de terre en Israël. Je l'ai vu. Frappant le mont des Oliviers, comme ceci. Le plus grand tremblement de terre. Je l'ai vu. Alors, précieux peuple, quel est le message pour vous maintenant? Écoutez attentivement. Le premier des quatre sceaux, moi, celui qui parle ici, j'ai amené la prophétie autour du monde. Le Seigneur m'a amené devant son trône chaque fois qu'il a voulu relâcher un cavalier. Et ceci s'est accompli. La crise globale, la crise économique, vous le voyez à vos nouvelles maintenant. C'est encore très nouveau. Protestation à Wall Street, protestation à Times Square. Et ils disent protestation en Europe, protestation en Asie, protestation en Australie, protestation au Canada. Même à Berlin, ils ont occupé les bâtiments du gouvernement. Des quartiers généraux de l'Union européenne. La Banque centrale européenne. Et il dit, quand le cinquième sceau est brisé, vous ne pouvez plus adorer Jésus. Avez-vous compris où nous sommes maintenant? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Ça signifie que vous ne pouvez pas attendre que le cinquième sceau soit brisé. Parce que, aussi longtemps que l'Église est sur la terre, elle va toujours adorer Jésus. Mais si vous voyez maintenant que si vous essayez d'adorer, vous êtes tué, ça signifie que l'enlèvement a pris place. L'Église a été prise. Le Saint-Esprit qui tient l'Antéchrist s'en est allé avec l'Église. Et maintenant, l'Antéchrist a été révélé. C'est pourquoi vous avez besoin de vous préparer pour la venue du Messie. Comme vous le voyez, j'ai été sur toute la terre avec ce message. Jusqu'à maintenant, ils m'écrivent. Homme de Dieu, homme de Dieu, regarde les nouvelles, ce que vous avez dit. C'est sur CNN, NBC ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont vu un cavalier fantôme et le cheval fait ce que vous avez dit qu'il fait. Jusqu'à ce que maintenant, ils m'écrivent de nouveau. Nous étions même en train de jeûner, on ne regardait pas la télévision. Et ensuite, nous avons cassé courtement pour la télévision. À la fin, la télévision a fait partie du jeûne. Gens précieux. La dispensation des jets privés est passée. Le Seigneur m'a envoyé pour apporter une fin, la saison. La dispensation des avions privés dans l'Église. En d'autres mots, il m'a envoyé pour mettre en bas le royaume de l'homme dans l'Église. L'Église appartient au Messie. Excusez-moi. Préparez-vous pour le Messie. Ne me dites pas, j'ai un avion privé, maintenant je suis plus grand que le Messie. Ne dites pas ceci. Laissez-moi vous dire. S'il vous plaît, repentez-vous. Les pasteurs, amenez l'Église à la repentance. La repentance est gratuite. En fait, meilleur pour vous, meilleur pour l'Église. Un troupeau repentant, une brebis repentante, une brebis céleste, c'est mieux pour vous. S'il vous plaît, pasteur, révérend, bishop, membre de l'Église, équipe de louanges. Encore. Si vous voulez vous repentir, mon Dieu est fidèle. Emportez ce message, apportez la repentance à cette nation. Peuple précieux, préparez-vous pour le Messie. Le Seigneur a dit, et c'est maintenant enregistré au ciel aussi. Mais s'il vous plaît, la justice, la justice, la justice. Autrement, vous adorerez pour toujours et il va venir et vous juger. Parce que la Bible doit être accomplie en ces jours. Jésus vient pour une épouse sainte. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Que vous soyez à l'église ou en dehors, si vous n'êtes pas saint à cette heure, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Préparez-vous pour la venue du Messie.